Douzième lettre, Monsieur Toulouse, les deux bibliophiles, Saint-Médard de Soissons, le château des Longueval de Bucquoy, réflexion. Je n'ai pas à me reprocher d'avoir suspendu pendant 10 jours le cours du récit historique que vous m'aviez demandé. L'ouvrage qui devait en être la base, c'est-à-dire l'histoire officielle de l'abbé de Bucquoy, devait être vendu le 20 novembre, et ne l'a été que le 30, soit qu'il ait été retiré d'abord, comme on me l'a dit, soit que l'ordre même de la vente, énoncé dans le catalogue, n'ait pas permis de le présenter plus tôt aux enchères. L'ouvrage pouvait, comme tant d'autres, prendre le chemin de l'étranger, et les renseignements qu'on m'avait adressés des pays du Nord indiquaient seulement des traductions hollandaises du livre, sans donner aucune indication sur l'édition originale, imprimée à Francfort, avec l'allemand en regard. J'avais vainement, vous le savez, cherché le livre à Paris. Les bibliothèques publiques ne le possédaient pas. Les libraires spéciaux ne l'avaient point vu depuis longtemps. Un seul, M. Toulouse, m'avait été indiqué comme pouvant le posséder. M. Toulouse a la spécialité des livres de controverses religieuses. Il m'a interrogé sur la nature de l'ouvrage, puis il m'a dit « Monsieur, je ne l'ai point, mais si je l'avais, peut-être ne vous le vendrais-je pas ?» J'ai compris que vendant d'ordinaire des livres à des ecclésiastiques, il ne se souciait pas d'avoir affaire à un fils de Voltaire. Je lui ai répondu que je m'en passerais bien, ayant déjà des notions générales sur le personnage dont il s'agissait. « Voilà pourtant comment on écrit l'histoire, m'a-t-il répondu. Vous me direz que j'aurais pu me faire communiquer l'histoire de l'abbé de Bucquoy par quelques-uns de ses bibliophiles, qui subsistent encore, tels M. de Montmerquet et autres. À quoi je répondrais qu'un bibliophile sérieux ne communique pas ses livres, lui-même ne les lit pas, de crainte de les fatiguer. Un bibliophile connu avait un ami. Cet ami était devenu amoureux d'un Anacréon Incèse, édition lyonnaise du XVIe siècle, augmentée des poésies de Bion, de Moschus et de Sappho. Le possesseur du livre n'eût pas défendu sa femme aussi fortement que son Incèse, presque toujours son ami, venant déjeuner chez lui, traversait indifféremment la bibliothèque, mais il jetait à la dérobée un regard sur l'Anacréon. Un jour il dit à son ami « Qu'est-ce que tu fais de cet Incèse mal relié et coupé ? Je te donnerai volontiers le voyage de Polyphile en italien, édition Princeps, des aides avec les gravures de Belin pour cet Incèse. Franchement, c'est pour compléter ma collection des poètes grecs. » Le possesseur se borna à sourire. « Que te faut-il encore ?»« Rien, je n'aime pas à échanger mes livres. Si je te ferai encore mon roman de la Rose, grande marque avec des annotations de Marguerite de Valois. Non, ne parlons plus de cela. Comme argent, je suis pauvre, tu le sais, mais j'offrirai bien 1000 francs. N'en parlons plus. Allons, 1500 livres. Je n'aime pas les questions d'argent entre amis. » La résistance ne faisait qu'accroître les désirs de l'ami du bibliophile. Après plusieurs offres encore repoussées, il lui dit, arrivé au dernier paroxysme de la passion, « Eh bien, j'aurai le livre à ta vente. »« À ma vente. Mais je suis plus jeune que toi. »« Oui, mais tu as une mauvaise toux. »« Et toi, ta sciatique. » ?»« On vit 80 ans avec cela. » »« Je m'arrête, monsieur. Cette discussion serait une scène de Molière ou une de ces analyses tristes de la folie humaine qui n'ont été traitées gaiement que par Erasme. » En résultat, le bibliophile mourut quelques mois après et son ami eut le livre pour 600 francs. « Et il m'a refusé de me le laisser pour 1500 francs, disait-il plus tard, toutes les fois qu'il le faisait voir. Cependant, quand il n'était plus question de ce volume, qui avait projeté un seul nuage sur une amitié de 50 ans, son œil se mouillait au souvenir de l'homme excellent qu'il avait aimé. Cette anecdote est bonne à rappeler, dans une époque où le goût des collections de livres, d'autographes et d'objets d'art n'est plus généralement comprise en France. Elle pourra néanmoins vous expliquer les difficultés que j'ai éprouvées à me procurer l'abbé de Bucquoy. Samedi dernier, à 7 heures, je revenais de Soissons, où j'avais cru pouvoir trouver des renseignements sur les Bucquoy, afin d'assister à la vente faite par Techner, de la bibliothèque M. Motelet, qui dure encore, et sur lesquels on a publié avant-hier un article dans l'Indépendance de Bruxelles. Une vente de livres ou de curiosités a pour les amateurs l'attrait d'un tapis vert. Le râteau du commissaire qui pousse les livres et ramène l'argent rend cette comparaison fort exacte. Les enchères étaient vives. Un volume isolé parvint jusqu'à 600 francs. À 10h15, l'histoire de l'abbé de Bucquoy fut mise sur table à 25 francs. À 55 francs, les habitués et M. Techner lui-même abandonnèrent le livre. Une seule personne poussait contre moi. À 65 francs, l'amateur a manqué d'haleine. Le marteau du commissaire priseur m'a jugé le livre pour 66 francs. On m'a demandé ensuite 3 francs 20 centimes pour les frais de la vente. J'ai appris depuis que c'était un délégué de la Bibliothèque nationale qui m'avait fait concurrent jusqu'au dernier moment. Je possède donc le livre, et je me trouve en mesure de continuer mon travail, vôtre, etc. De Vers à Dame Martin, il n'y a guère qu'une heure et demie de marche. J'ai eu le plaisir d'admirer, par une belle matinée, l'horizon de 10 lieues qui s'étend autour du vieux château, si redoutable autrefois, et dominant toute la contrée. Les hautes tours sont démolies, mais l'emplacement se dessine encore sur ce point élevé où l'on a planté des allées de tilleuls servant de promenade, au point même où se trouvaient les entrées et les cours. Des charmilles, d'épinevinettes et de belles ladones empêchent toute chute dans l'abîme que forment encore les fossés. Un tir a été établi pour les archers dans un des fossés qui se rapproche de la ville. Sylvain est retourné dans son pays. J'ai continué ma route vers Soissons à travers la forêt de Villers-Cotterêts, entièrement dépouillée de feuilles, mais reverdie çà et là par des plantations de pins, qui occupent aujourd'hui les vastes espaces des coupes sombres pratiquées naguère. Le soir, j'arrivais à Soissons, la vieille Augusta Suessionium, où se décida le sort de la nation française au VIe siècle. On sait que c'est après la bataille de Soissons, gagnée par Clovis, que ce chef des Francs subit l'humiliation de ne pouvoir garder un vase d'or, produit du pillage de Reims. Peut-être songeait-il déjà à faire sa paix avec l'Église, en lui rendant un objet saint et précieux. Ce fut alors qu'un de ses guerriers voulut que ce vase entrât dans le partage, car l'égalité était le principe fondamental de ces tribus franques, originaires d'Asie. Le vase d'or fut brisé, et plus tard la tête du franc égalitaire eut le même sort, sous la francisque de son chef. Telle fut l'origine de nos monarchies. Soissons, ville forte de seconde classe, renferme de curieuses antiquités. La cathédrale a sa haute tour, d'où l'on découvre 7 lieues de pays. Un beau tableau de Rubens derrière son maître-autel. L'ancienne cathédrale est beaucoup plus curieuse, avec ses clochers festonnés et découpés en guipures. Il n'en reste que la façade et les tours, malheureusement. Il y a encore une autre église qu'on restaure avec cette belle pierre et ce béton romain qui font l'orgueil de la contrée. Je me suis entretenu là avec les tailleurs de pierre, qui déjeunaient autour d'un feu de bruyère et qui m'ont paru très forts sur l'histoire de l'art. Ils regrettaient, comme moi, qu'on ne restaura point l'ancienne cathédrale Saint-Jean-des-Vignes plutôt que l'église lourde où on les occupait. Mais cette dernière est, dit-on, plus logeable. Dans nos époques de foi restreintes, on n'attire plus les fidèles qu'avec l'élégance et le confort. Les compagnons m'ont indiqué comme chose à voir Saint-Médard, situé à une portée de fusil de la ville, au-delà du pont de la gare de l'Aisne. Les constructions les plus modernes forment l'établissement des sourds-muets. Une surprise m'attendait là. C'était d'abord la tour en partie démolie, où Abélard fut prisonnier quelque temps. On montre encore sur les murs des inscriptions latines de sa main. Puis de vastes caveaux déblayés depuis peu, où l'on a retrouvé la tombe de Louis le Débonnaire, formée d'une vaste cuve de pierre qui m'a rappelé les tombeaux égyptiens. Près de ces caveaux, composés de cellules, souterrains avec des niches çà et là comme dans les tombeaux romains, on voit la prison même, où cet empereur fut retenu par ses enfants, l'enfoncement où il dormait sur une natte et autres détails parfaitement conservés, parce que la terre calcaire et les débris de pierre fossiles qui remplissaient ces souterrains les ont préservés de toute humidité. On n'a eu qu'à déblayer, et ce travail dure encore, amenant chaque jour de nouvelles découvertes. C'est un Pompéi, carlovingien. En sortant de Saint-Médard, je me suis un peu égaré sur les bords de l'Aisne, qui coule entre les oserais rougeâtres et les peupliers dépouillés de feuilles. Il faisait beau, les gazons étaient verts, et au bout de 2 kilomètres, je me suis trouvé dans un village nommé Cuffy, d'où l'on découvrait parfaitement les tours dentelées de la ville et ses toits flamands bordés d'escaliers de pierre. On se rafraîchit dans ce village avec un petit vin blanc mousseux qui ressemble beaucoup à la tisane de Champagne. Enfin, le terrain est presque le même qu'à Épernay. C'est un filon de la Champagne voisine qui, sur ce coteau exposé au midi, produit des vins rouges et blancs qui ont encore assez de feu. Toutes les maisons sont bâties en pierres meulières trouées comme des éponges par les vrilles et les limaçons marins. L'église est vieille mais rustique. Une verrerie est établie sur la hauteur. Il n'était plus possible de ne pas retrouver Soissons. J'y suis retourné pour continuer mes recherches en visitant la bibliothèque et les archives. À la bibliothèque, je n'ai rien trouvé que l'on ne pût avoir à Paris. Les archives sont à la sous-préfecture et doivent être curieuses à cause de l'antiquité de la ville. Le secrétaire m'a dit « Monsieur, nos archives sont là-haut, dans les greniers, mais elles ne sont pas classées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fonds attribués à ce travail par la ville. La plupart des pièces sont en gothique et en latin. Il faudrait qu'on nous envoyât quelqu'un de Paris. » Il est évident que je ne pouvais espérer de trouver facilement là des renseignements sur les Bucquois. Quant à la situation actuelle des archives de Soissons, je me borne à la dénoncer au paléographe. Si la France est assez riche pour payer l'examen des souvenirs de son histoire, je serais heureux d'avoir donné cette indication. Je vous parlerai bien encore de la grande foire qui avait lieu en ce moment-là dans la ville, du théâtre où l'on jouait Lucrèce Borgia, des mœurs locales assez bien conservées dans ce pays, situé hors du mouvement des chemins de fer, et même de la contrariété qu'éprouvent les habitants par suite de cette situation. Ils ont espéré quelque temps être rattachés à la ligne du Nord, ce qui eût produit de fortes économies. Un personnage puissant aurait obtenu de faire passer la ligne de Strasbourg par ces bois auxquels elle offre des débouchés. Mais ce sont là de ces exigences locales et de ces suppositions intéressées qui peuvent ne pas être de toute justice. Le but de ma tournée est atteint maintenant. La diligence de Soissons à Reims m'a conduit à Braine. Une heure après, j'ai pu gagner Longueval, le berceau des Bucquois. Voilà donc le séjour de la belle Angélique et le château-chef de son père, qui paraît en avoir eu autant que son aïeul, le grand comte de Bucquois, a pu en conquérir dans les guerres de Bohême. Les tours sont rasées comme à Dammartin. Cependant, les souterrains existent encore. L'emplacement qui domine le village, situé dans une gorge allongée, a été couvert de constructions depuis 7 ou 8 ans, époque où les ruines ont été vendues. Emprunt suffisamment de ces souvenirs de localité qui peuvent donner de l'attrait à une composition romanesque et qui ne sont pas inutiles au point de vue positif de l'histoire. J'ai gagné Château-Thierry, où l'on aime à saluer la statue rêveuse du bon La Fontaine, placée au bord de la Marne et en vue du chemin de fer de Strasbourg. Réflexion. Et puis, c'est ainsi que Diderot commençait un conte, me dira-t-on. Allez toujours, vous avez imité Diderot lui-même, qui avait imité Sterne, lequel avait imité Swift, qui avait imité Rabelais, lequel avait imité Merlin Cocaï, qui avait imité Pétrone, lequel avait imité Lucien, et Lucien en avait imité bien d'autres. Quand ce ne serait que l'auteur de l'Odyssée qui fait promener son héros pendant 10 ans autour de la Méditerranée pour amener enfin à cette fabuleuse Ithaque dont la reine entourée d'une 50aine de prétendants défaisait chaque nuit ce qu'elle avait tissé le jour. Mais Ulysse a fini par retrouver Ithaque. Et j'ai retrouvé l'abbé de Bucquois. Parlez-en. Je ne fais pas autre chose depuis un mois. Les lecteurs doivent être déjà fatigués. Du comte de Bucquois, le ligueur, plus tard généralissime des armées d'Autriche, de M. de Longueval, de Bucquois et de sa fille Angélique, enlevée par la Corbinière, du château de cette famille dont je viens de fouler les ruines, et enfin de l'abbé, comte de Bucquois lui-même, dont j'ai rapporté une courte biographie, et que M. d'Argenson, dans sa correspondance, appelle le prétendu abbé de Bucquois. Le livre que je viens d'acheter à la vente Motelet vaudrait beaucoup plus de 66 francs 20 centimes, s'il n'était cruellement rogné. La reliure toute neuve portant lettre d'or ce titre attrayant « Histoire du sieur, abbé, comte de Bucquois », etc. La valeur de l'in 12 vient peut-être de 3 maigres brochures en vers et en prose, composées par l'auteur, et qui, étant d'un des plus grands formats, ont les marges coupées jusqu'au texte qui cependant reste lisible. Le livre a tous les titres cités déjà qui se trouvent énoncés dans Brunet, dans Kérard et dans la biographie de Michaud. En regard du titre est une gravure représentant la Bastille avec ce titre au-dessus, « L'enfer des vivants ». Et cette citation facilise des sensus avernis. On peut lire l'histoire de l'abbé de Bucquois dans son livre intitulé « Les Illuminés », Paris, Victor Lecoux. On peut consulter aussi l'ouvrage in 12 dont j'ai fait présent à la Bibliothèque impériale. Je me suis peut-être trompé dans l'examen de l'écusson du fondateur de la chapelle de Chalice. On m'a communiqué des notes sur les abbés de Chalice, Robert de la Tourette notamment, qui fut abbé là de 1501 à 1522, fille de grande restauration. On voit sa tombe devant le maître-autel. Ici arrivent les Médicis. Hippolyte d'Est, cardinal de Ferrare, 1554. Aloïs d'Est, 1586. Ensuite, Louis, cardinal de Guise, 1601. Charles-Louis de Lorraine, 1630. Il faut remarquer que les d'Est n'ont qu'un alérion aux 2 et aux 3, et que j'en ai vu 3 aux 1 et aux 4 dans l'écusson écartelé. Charles II, cardinal de Bourbon depuis Charles X, l'Ancien, lieutenant général de l'île de France depuis 1551, eut un fils appelé Poulain. Je veux bien croire que ce cardinal roi eut un fils naturel, mais je ne comprends pas les 3 alérions posés aux 2 et 1. Ceux de Lorraine sont sur une bande. Pardon de ces détails, mais la connaissance du blason est la clé de l'histoire de France. Les pauvres auteurs n'y peuvent rien.